Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui l'histoire, l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия. C'est le 28 avril 1986, deux jours après l'événement, que la télévision russe parle pour la première fois de l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl, mais le langage utilisé reste plutôt vague. L'extrait qu'on vient d'entendre dit, et je cite, qu'un accident s'est produit à la centrale nucléaire de Tchernobyl. L'usine et un des réacteurs ont été endommagés, poursuit la nouvelle. Des mesures ont été prises pour faire face à la situation et de l'aide est apportée aux personnes touchées. Le texte se termine tout de même en précisant que le gouvernement a constitué une commission d'enquête à la suite de cet accident. On saura plus tard que l'intensité des gaz radioactifs produits lors de l'explosion de la centrale de Tchernobyl va équivaloir au total à l'équivalent de 200 bombes comme celles lancées sur Hiroshima. Greenpeace va estimer qu'au moins 100 000 personnes seront mortes avant 2005 en Ukraine, au Bélarus et en Russie des suites de la contamination radioactive provoquée par l'explosion de Tchernobyl. C'est parce qu'un travailleur de la centrale nucléaire de Forsmark, au nord de Stockholm, en Suède, a démontré un taux de radiation anormal qu'on a découvert que quelque chose n'allait pas. Vérification faite auprès des 600 autres travailleurs affichant la même radiation, on s'aperçut que la centrale suédoise n'était pas la cause de cette contamination. Puis vint Radio Moscou annonçant un accident à la centrale de Tchernobyl en Ukraine. La centrale de Tchernobyl, à 150 km au nord de Kiev, en Ukraine, comporte quatre réacteurs de 1000 MW chacun. Le nuage radioactif qui s'est dégagé après l'accident a parcouru 1200 km avant de causer des radiations 10 fois supérieures à la normale en Suède, au Danemark et en Finlande. On croit aussi que des radiations 2,5 fois supérieures à la normale détectées à Berlin-Ouest aient pu être causées par l'accident survenu probablement au début du week-end. Comme le rapporte Jacques Rivard dans ce reportage du 28 avril 1986, c'est en Suède qu'on va d'abord réaliser qu'il y a un problème avec le taux de radiation dans l'air à la suite de cette explosion de la centrale de Tchernobyl en Ukraine. Pour nous raconter l'histoire de cette catastrophe survenue le 26 avril 1986, mon invité Robert Lamontagne, physicien, astrophysicien à l'Université de Montréal, directeur également du télescope de l'Observatoire du Mont Mégantic. Monsieur Lamontagne, bonjour. Bonjour. Monsieur Lamontagne, qu'est-ce qui se passe le 26 avril 1986? Ben, en fait, on assiste à un accident nucléaire dans une centrale. Pour donner un peu de précision, les centrales nucléaires utilisent du matériel radioactif. Dans ce cas-ci, on utilise de l'uranium-235. C'est un matériel qui n'est pas enrichi et qui, lors de désintégration, dégage la chaleur. On fait chauffer de l'eau, ça produit de la vapeur, on actionne des turbines et on fabrique de l'électricité avec ce genre de réacteur. Dans le cas qui s'est produit ici, le réacteur s'est emballé et donc la pression de vapeur a été suffisante pour faire éclater la dalle de béton qui constituait le plafond là, d'un des réacteurs. Ouais. La dalle a explosé, un nuage de gaz radioactif s'est échappé. La dalle est retombée, a fissuré le matériel fissile dans le réacteur, a même fissuré le plancher. Et là, à ce moment-là, le réacteur est devenu hors de contrôle, ce qui fait que du matériel radioactif a continué à se dégager dans l'atmosphère et poussé par les vents. Là, Donc, incendie, ces émanations qui sont toxiques, qui sont radioactives, qui commencent à s'échapper dans l'atmosphère. Est-ce qu'on sait ce qui provoque cette explosion-là? Oui, on a appris, évidemment, après ce qui s'est produit. Le type de réacteur dont on parle ici à Tchernobyl, c'est un réacteur de type RBMK. Là, il y a une terminologie, là, c'est un modèle russe, en fait soviétique. Et ce type de réacteur, les réacteurs qui avaient été construits dans les années 70 et 80, étaient réputés pour être instables. Mm-hmm. C'est-à-dire que ce sont des machines un peu compliquées à utiliser, il faut faire très attention, et si on dépasse les normes de sécurité, la réaction nucléaire peut s'emballer et devenir hors de contrôle. Et là, ce qu'on avait décidé de faire aux petites heures du matin du 26 avril, c'est un test. On voulait procéder à un test. Advenant. On a provoqué l'accident. Au fond. On ne voulait pas provoquer l'accident. Mais on a provoqué une cascade d'événements. Ce que l'on voulait tester, c'est éventuellement s'il y a une panne d'électricité, il y a des génératrices d'urgence qui doivent continuer à actionner les pompes pour continuer à refroidir le réacteur. S'il y a une panne d'électricité, est-ce qu'on est capable d'utiliser autre chose que les générateurs d'urgence qui prennent entre 30 et 40 secondes à entrer en action? Et c'est très long là, pour un réacteur nucléaire. Et le test a échoué. Malheureusement, on avait éliminé certaines mesures de sécurité pour procéder au test et la machine s'est emballée. Et en moins d'une heure et demie, on assiste à l'accident. On commence le test peu après minuit et vers 1h30 du matin, la catastrophe s'est déjà produite. Mais ça, c'est inouï, là. Quand on y pense avec le recul, rétrospectivement, je comprends qu'on veuille tester, mais là, ce que ça veut dire, c'est qu'on fait un test, on désamorce toutes les procédures de sécurité. Oui, beaucoup d'entre elles, en fait. C'est fou. Oui, et il y a même eu des ordres qui ont été donnés. Il y avait des opérateurs, évidemment, qui étaient là pour s'assurer que tout fonctionne bien. Le directeur, les personnes en charge ont même indiqué aux opérateurs de passer outre aux consignes de sécurité, justement pour procéder au test. Il y a aussi eu des erreurs, en réaction à ce qui se produisait. On n'a pas réagi de la bonne façon. En grande partie, c'est parce qu'il y avait dans l'équipe d'opération des gens qui n'étaient pas qualifiés pour opérer un réacteur nucléaire. Le directeur n'avait aucune expertise en réacteur nucléaire. Le contexte, c'est l'Union soviétique, ces gens qui dirigent ce genre d'installation. Au fond, c'est des nominations du parti, c'est des nominations politiques. Tout à fait. Ils sont arrivés là parce que on pourrait dire que c'était des bénis oui-oui. Donc, ils passaient outre à certaines consignes de sécurité dans la construction, dans les opérations, mais on leur accordait des promotions. Autre élément, on l'a évoqué au tout début de l'émission, autre élément qui nous ramène à ce contexte de l'Union soviétique, c'est la manière dont les autorités soviétiques vont réagir, le manque de transparence, le retard aussi de cette réaction. Je vous propose un extrait d'un reportage diffusé à Dimanche Magazine en juillet 1995, mais dans lequel on entend, et elle se souvient très bien de ce qui s'est passé à l'époque, Nina Kiryuchkina, qui est professeure à Minsk. Quand a eu l'explosion à Tchernobyl, bien sûr, j'ai été à Minsk, où j'habite. Est-ce que nous avons su toute la vérité? Non, vraiment, on n'a pas su toute la vérité. L'explosion a eu lieu le 26. On nous a dit qu'il y a une toute petite problème et que ce n'est rien, oui. Et le 1er mai, nous avons eu une manifestation. Alors, tous sont sortis dans la rue avec les enfants, c'est-à-dire nous avons été sous la radiation. Imaginez des gens qui marchent insouciants sous les radiations, jour de manifestation le 1er mai, sans savoir ce qu'ils respirent. Ça va être très, très lent, la réaction des autorités soviétiques, Robert Lamontagne. Même le chef d'État, en fait, Mikhail Gorbatchev, à l'époque, on va mettre des heures à l'informer de la situation. En fait, plus que des heures, une journée au complet. L'incident donc se produit dans la nuit, tôt dans la nuit du 26 avril. La journée même du 26 avril, dans le petit village de Pripyat, tout près de la centrale, il y a une parade ou en fait une activité pour avec des enfants qui vont encercler la centrale, une espèce de marche de la paix. Mm-hmm. Et pourtant, le feu est pris dans la centrale au moment où ils font ça, donc ils sont directement exposés. Et le directeur de la centrale, lui, va être averti à 4h du matin. Donc, au petit matin, mais le président Gorbatchev va le savoir le 27 avril. Donc, il s'est écoulé plus d'une journée avant qu'il l'apprenne. Et comme on l'entendait dans l'extrait, à lui aussi, on va lui présenter une description très enrobée qui atténue beaucoup les dommages. Oui. Et il va être obligé d'admettre la vérité et de la révéler après le 28 avril, donc lorsque les Suédois vont finalement parce dire... C'est vraiment en Suède qu'on se rend compte qu'il y a un problème. C'est eux qui vont alerter l'Europe, le monde, et donc Gorbatchev n'aura absolument aucun choix. Ouais. D'ailleurs, il venait à peine de lancer sa nouvelle politique là, de glasnost, de transparence. Ouais. Donc voilà, c'était le premier grand test. Un rendez-vous manqué, on peut dire ça comme ça. Et ça va faire aussi, puis c'est important, que l'ordre d'évacuation va tarder à venir, évidemment. Oui, effectivement. On va évacuer, évidemment, tout près, mais on va tarder à évacuer pendant de longues périodes de temps. Et évidemment, en même temps, il faut réagir à l'incendie, il faut réagir au problème. Et donc, on va prendre de mauvaises décisions là aussi. La première réaction qu'on a, c'est d'appeler les pompiers. Mm-hmm. Il y a un feu, on appelle les pompiers. Mais c'est un feu avec des gaines de graphite. Le graphite, ça ne s'éteint pas avec de l'eau. C'est un peu comme un feu électrique. Il faut utiliser soit des gaz pour étouffer le feu ou du sable ou des choses comme ça. Alors, les pompiers qui vont être délégués sur place, ils vont empirer le problème. Ils vont inonder la cave. Ça va nuire au fonctionnement adéquat des pompes. Ça va mettre en péril les autres réacteurs nucléaires. Sans compter le fait que les pompiers sont exposés à des doses de radiation intenses. Et de nombreux pompiers vont mourir là, dans les heures et les jours qui vont suivre. Mais et ils ne le savent pas. Exactement. Dans les jours et les deux semaines, je dirais, qui suivent, il y a quand même un plan d'action qui finit par s'organiser. On comprend un peu ce qui s'est passé. On écoute sur l'ampleur de ce que c'est comme opération. On écoute un extrait de reportage d'Ulysse Gosset qui est diffusé justement deux semaines et demie après l'explosion. Dans la zone interdite de 30 km, d'où 92 000 personnes auraient été évacuées, et autour de la centrale, les travaux de décontamination se poursuivent selon les autorités. Le bétonnage du réacteur après son refroidissement est toujours l'objectif numéro un des ingénieurs, afin d'empêcher son affaissement dans le sol. Au cours de son grand journal télévisé, la Gauss Téléradio a montré hier soir comment les hélicoptères de l'armée ont largué de près de 300 mètres de haut des milliers de sacs de sable et de plomb afin de colmater les fuites du réacteur éventré. Malgré les moyens mis en œuvre qui démontrent l'ampleur de la catastrophe, Moscou continue à se vouloir très rassurant. Un porte-parole du Kremlin a même violemment fustigé l'hystérie et le tapage fait en Occident à propos de cette affaire. Alors, comment on va réussir finalement, Robert Lamontagne, à contenir les fuites radioactives de ce réacteur de Tchernobyl? En fait, comme on l'explique un peu dans l'extrait, on va enfermer le réacteur. On va construire un sarcophage en béton qui va fermer complètement le réacteur. On va attendre ensuite le passage du temps. On met un couvercle sur la marmite. Là. C'est un petit peu ça l'idée. C'est à peu près ça. Donc, ça évite qu'il y ait de nouvelles fuites dans l'atmosphère. Mais c'est très périlleux. Là. On parle de larguer du béton, du sable. À partir d'hélicoptères, il faut faire tomber ça d'environ 2 à 300 mètres de haut, dans un trou relativement petit. Oui. Là, c'est une opération assez délicate. Et les hélicoptères et le personnel dans les hélicoptères sont soumis à un taux de radiation qui est 50 à 150 fois supérieur à la dose annuelle à laquelle vous et moi, on devrait être soumis. Alors, pendant quelques secondes, ils sont soumis à des doses de radiation très importantes, ce qui fait qu'ils n'en meurent pas nécessairement, mais ils sont fortement contaminés et éventuellement, il y aura fort probablement des cas de cancer. Oui. Ces gens-là, on parle qu'il y a environ, il y a plusieurs centaines de milliers, peut-être 600 000 personnes qui vont participer à la construction du sarcophage, et on les appelle les liquidateurs. Ouais, dans le jargon soviétique, là, c'était ça. On les appelait les liquidateurs. On les appelait les liquidateurs, et il y en a facilement plus de 30 à 35 000 officiellement qui sont morts suite à ces incidents. C'est peut-être même plus élevé. Évidemment, ceux qui sont aux premières loges, ces liquidateurs, mais les populations aussi qui sont exposées sur l'effet justement ressenti par ces liquidateurs, par la population de la région. On écoute un reportage de Paul Robitaille. En 1993, on est 7 ans après l'explosion de Tchernobyl. On entend d'abord le docteur Nikiforov qui nous parle des effets sur la santé. Vous allez voir de manière très, très concrète sur la santé des gens. Nous ne voyons pas une augmentation des maladies du sang chez les liquidateurs. Mais nous constatons surtout une augmentation des tumeurs aux poumons et à l'estomac. Il y a aussi une augmentation des problèmes gastriques, des ulcères d'estomac, une augmentation des maladies nerveuses et des désordres psychologiques qui ont un lien direct avec les doses de radiation reçues. Et tous ces problèmes ont tendance à se multiplier avec le temps. Pieter, 24 ans, 86, avait de grandes ambitions. Il aspirait à une brillante carrière dans la police. Cet homme qui courait des marathons marche 10-15 minutes aujourd'hui et doit s'arrêter pour souffler un peu. Son épouse Svetlana, 19 ans, enceinte durant l'accident, voyait la vie en rose. Nous avions un appartement, nous avions du travail, des emplois, nous avions une ville que nous aimions, nous avions des espoirs, des rêves, et d'un coup, tout a changé. Nous nous sommes retrouvés dans la rue, sans rien du tout, sans argent, sans logis. Nous sommes sans espoir. Alors, l'effet de cette explosion de Tchernobyl, Robert Lamontagne, on l'entend bien dans cet extrait. L'effet sera catastrophique, des vies brisées. Vous le disiez, là, il y a quelques minutes, 30-35 000 liquidateurs qui vont mourir. Donc, des gens qui meurent, des gens qui sont sur le plan de la santé gravement atteints. Mm-hmm. On vient de l'entendre, la vie, ce policier, son épouse, tout s'arrête. Ce gars-là qui était en super forme, qui devient à peu près inapte, en tout cas, à faire ce qu'il faisait avant la catastrophe. Est-ce qu'on a une idée de ce à quoi ça va ressembler, l'impact de Tchernobyl, dans la région, et même, je dirais, à l'échelle continentale? Déjà, en partant, on a évacué, on n'a pas eu le choix, on a évacué près d'un quart de million de personnes dans la région voisine, dans les centaines de kilomètres tout autour, surtout à l'est, où le nuage radioactif s'est déposé. Et c'est devenu une région fantôme, littéralement une région fantôme maintenant. Il y a possiblement des gens qui reviennent graduellement, mais on en a pour des décennies avant que cette région redevienne habitable avec des taux de radiation qui vont être redevenus, disons, plus près des normes acceptées là, pour vous et moi là, à l'échelle mondiale. Problème de santé majeur? Oui, en fait, on parle de milliers de morts, mais aussi de centaines de milliers de personnes qui souffrent de handicaps variés. On parle ici, par exemple, de ce policier qui est à peine capable de marcher et de courir, maintenant qu'il doit se reposer. Alors, il y a des tas de ces gens, beaucoup de gens comme ça, qui ont avoir des séquelles. Mm-hmm. Et parfois, les séquelles apparaissent beaucoup plus tard. Et ce qui est un peu embêtant, c'est que ça devient un peu, plus le temps passe, plus c'est difficile de faire le tri dans qu'est-ce qui est causé par l'accident et qu'est-ce qui est, disons, normal dans une population, sans compter le fait que entre 1986 et maintenant, il y a beaucoup de documentation qui a été perdue. Avec la chute de l'Empire soviétique au début des années 90, il y a des documents qui se sont perdus et donc on a perdu un peu le suivi de tous ces gens qui ont été évacués, quels étaient les symptômes, à quel endroit ils se situaient, qu'est-ce qu'on devrait faire avec eux. Alors, on est un peu dans un désordre ou un fouillis administratif en plus d'un désordre sanitaire, d'un désordre environnemental. À l'échelle continentale, je reviens sur le fait qu'au début de l'émission, on le signalait, c'est les Suédois qui vont d'abord se rendre compte, oups, il y a quelque chose qui ne marche plus là. Est-ce qu'il y aura un impact mesurable sur le plan de la santé publique, sur le plan de l'environnement, à l'échelle européenne, mettons? Relativement peu. On était quand même assez loin. Donc, le nuage se diluait avec le vent. Et donc, il y a des taux légèrement plus élevés de radiation, mais rien qui peut causer de graves dommages pour la santé. Si on regarde un peu les doses annuelles là, qui sont tolérées pour le commun des mortels, il y a quand même des fourchettes de doses. Par exemple, on tolère, on accepte que, par exemple, les pilotes d'avion ou le personnel dans les cabines en haute altitude, ils sont soumis à plus de radiation provenant de l'espace, mais ça ne cause pas davantage de problèmes. Alors, on joue ça avec beaucoup de prudence pour l'ensemble de la population, mais on sait très bien que des doses légèrement plus élevées ne causeront pas de graves problèmes. Tchernobyl, aujourd'hui, vous l'avez un peu évoqué, c'est techniquement encore une zone interdite, mais effectivement, il y a des gens, certains habitants qui y sont retournés. Voici à ce propos un extrait de reportage de Jean-François Bélanger, diffusé en avril 2011. Mais la zone n'est pas tout à fait déserte. Olga et Andrei Rutchenko habitent ici en permanence. Évacués après la catastrophe il y a 25 ans, comme plus de 100 000 résidents de la zone, ils ont bravé l'interdit pour revenir vivre chez eux 8 ans plus tard. Nous sommes des illégaux. Nous n'avons aucun droit ici, précise Andrei, en nous demandant de garder le secret. Ils nous ont donné un appartement en Crimée, mais je ne m'y suis jamais habituée. J'étais très malheureuse, confie Olga. Au total, il y aurait plus de 200 illégaux comme Olga et Andrei dans la zone d'exclusion. Mariés depuis 53 ans, les Rutchenko y vivent maintenant en parfaite autonomie. Ils élèvent des vaches et cultivent la terre, jurant qu'elle n'est pas contaminée. Donc, il y a quelques centaines d'illégaux qui y sont revenus, on l'entendait dans le reportage. Ça ressemble à quoi aujourd'hui, cette zone immédiate autour de la centrale de Tchernobyl? C'est une région fantôme, en fait. Essentiellement, peu de services. Il faut que les gens soient totalement autonomes. Donc, dans le cas de ce couple ici, très clairement, là, ils cultivent leurs propres légumes, ils élèvent leur propre bétail, avec des risques. Bon, compte tenu de leur âge, peut-être qu'ils vont mourir d'autre chose avant, mais il est clair qu'ils sont soumis encore à des doses plus faibles de radiation, mais malgré tout des doses. Il y en a encore. Il y en a encore. Ça va se mesurer en dizaines d'années encore avant que ça ait totalement disparu. Est-ce qu'on va pouvoir un jour retourner vivre en toute légalité, en toute sécurité dans cette région-là? Fort probablement. Maintenant, il y aura des choses à faire. Par exemple, le sarcophage qu'on a construit autour du réacteur numéro 4, il commence déjà à se fissurer. Il y a une espèce d'usure du béton qui est due justement à la radiation. Et donc, il y a du travail qui devra être fait pour resécuriser la zone. Parce que le matériel combustible là-dedans, là, il en a pour des centaines d'années encore à être radioactif. Ça continue, donc, d'être actif sous le sarcophage. Tout à fait. Alors, il va falloir reconstruire une enceinte. Les coûts sont faramineux. On parle de 1,5 milliard d'euros pour la construction d'un nouveau sarcophage, de renforcer tout ça. J'ai vu qu'on a estimé à environ 18 milliards d'euros les coûts de la catastrophe depuis les 30 dernières années. Alors, ce sont des sommes d'argent absolument astronomiques qui malheureusement ne servent qu'à corriger un accident. Ouais. Elles servent à rien d'autre que ça, là. Est-ce que l'accident, à tout le moins, lui, a servi à changer les choses quand on parle d'entretien, de procédures, enfin, tout ce qui tourne autour des centrales nucléaires? Est-ce qu'on a appris des leçons de Tchernobyl? Ben oui, on a certainement appris des leçons. Les nouveaux réacteurs nucléaires sont plus sécuritaires, certainement ceux qui ont été construits en Russie, en Union soviétique par la suite. Mais il y a encore des choses qu'on n'a pas vraiment appris, n'est-ce pas? On n'a qu'à penser à Fukushima maintenant. On a célébré le 5e anniversaire. Encore là, ici, on voit un peu la même chose. Des gens qui retournent vivre dans la zone irradiée parce que c'est leur chez-soi. Mais encore là, dans ce cas-ci, c'est un accident naturel, tremblement de terre, tsunami, etc. Mais on avait sous-estimé les risques d'une centrale nucléaire et des mesures de sécurité qu'on devrait apporter pour complètement sécuriser en cas d'accident. Alors, on avait sous-estimé les risques et on a eu une catastrophe qui, en termes de taux d'irradiation, se compare à celle de Tchernobyl. Il y a une échelle qui classe un peu tous ces incidents nucléaires, là, un peu comme l'échelle Richter pour les tremblements de terre. Et l'échelle va de 0 à 7, 7 étant le maximum. Bien, il y a deux seuls accidents qui entrent dans la catégorie 7, Tchernobyl et Fukushima. Tous les autres sont 100 fois moins importants, y compris celui de Three Miles Island en 1978. Robert Lamontagne, physicien, astrophysicien à l'Université de Montréal, directeur du télescope de l'Observatoire du Mont Mégantic. Merci infiniment de votre passage à l'émission. Ça fait un plaisir. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.